Chapitre 42 Le passe-miroir. Le vent agitait l'écharpe d'Ophélie comme un étendard. Sa petite valise à la main, elle marcha le long du quai sans pouvoir détacher son regard du paysage. L'embarcadère des dirigeables était perché au bord de la cité ciel, offrant une vue plongeante sur l'arche en contrebas. Ophélie ignorait quand elle reverrait ses forêts de sapins et ses montagnes blanches. Aussi se fit-elle un devoir de remplir une dernière fois ses poumons de ce vent unique où se mêlaient la résine, la neige, le sel et le charbon. Et Thorn, dans tout ça, où se trouvait-il? Vous aussi, lui avait-il dit, vous m'avez beaucoup appris. Cela avait pris du temps à Ophélie, mais elle avait fini par comprendre le sens de ses paroles. Elle avait échoué à faire de Thorn un liseur, mais elle en avait fait un passe-miroir. Il était sorti de sa cellule de prison de la même manière qu'elle, en se servant de la surface réfléchissante des murs. Par quel miroir était-il ressorti ensuite, et comment avait-il réussi à disparaître de la circulation avec une jambe brisée? Cela, en revanche, demeurait un mystère. Le premier coup de sifflet du chef de quai ramena Ophélie à la réalité. Elle confia sa valise à son petit frère qui insistait pour la porter et rejoignit la passerelle du dirigeable que gravissaient un par un tous les membres de sa famille. Sa gorge se serra quand elle vit le comité qui s'était rassemblé au bout du quai pour lui dire au revoir. Archibald s'avança en premier et lui adressa un petit coup de chapeau dont le fond s'ouvrit et se referma comme un clapet. « Je songerai à réclamer vos services la prochaine fois que je me ferai enlever. »« De grâce, Madame Thorn, ne faites pas cette tête-là, » dit-il en se penchant sur elle avec un clin d'œil. « Si vous ne revenez pas vite au pôle, le pôle viendra à vous. » »« Parole d'ambassadeur. » Ophélie lui sourit sans grande conviction, puis elle tendit sa main à Renard qui la bouda résolument. « S'il vous plaît, Reynold, ne nous quittons pas fâchés. » Le vent ébouriffait tout ce qu'il possédait de roux, ses sourcils, ses favoris, ses cheveux, jusqu'aux poils d'andouille sur sa tête, et lui donnait l'air encore plus hargneux qu'il ne l'était déjà. « Oh ben, faut pas trop m'en demander quand même » grogna-t-il. « Vous êtes ma patronne, je vous rappelle. À quoi qu'elle va ressembler, ma vie, si je ne vous accompagne pas partout où vous allez ?»« C'est provisoire, » lui promit Ophélie. En prononçant ces mots, elle sentit sa gorge se resserrer davantage en vérité. Elle était dans l'impossibilité de quantifier ce provisoire-là. Ophélie décocha un coup d'œil nerveux à la rapporteuse qui l'attendait à quelques pas de là, dressée dans sa robe noire comme la justice personnifiée, la girouette de son chapeau sévèrement pointée sur elle. Dès l'instant où elles avaient été informées des derniers événements, les doyennes avaient ordonné son rapatriement immédiat sur Anima, et Ophélie n'avait d'autre choix que de leur obéir. Thorn n'avait plus donné signe de vie, pas même par télégramme depuis qu'il avait disparu de sa cellule. Il était devenu officiellement un hors-la-loi, et le familistère d'Anima s'était emparé de ce prétexte pour rappeler Ophélie. Elle ne pouvait désobéir sans exacerber les tensions diplomatiques entre Anima et le pôle. Elle suspectait cependant une toute autre motivation derrière ce durcissement de ton. En retombant sous la coupe des doyennes, elle ferait l'objet d'une surveillance assidue. Dieu ne sera pas le seul à garder un œil sur vous. Thorn pensait-il aux doyennes quand il avait lancé cet avertissement à Ophélie? Votre place est ici, ajouta-t-elle en tendant obstinément sa main à Renard. Dites à Gaël quand vous la verrez que je lui dois un monocle. L'énorme main de Renard avala la sienne. Non. Vous devrez revenir pour le lui dire vous-même. » Le chef de quai siffla une deuxième fois. Ophélie se tourna vers Bérénilde et son joli landau blanc. Elle oublia aussitôt les mots qu'elle avait soigneusement préparés pour l'occasion. « Madame, je... vous allez... » Bérénilde la serra dans ses bras si fort que son parfum l'enveloppa comme une seconde robe. « Je sais, » lui murmura-t-elle à l'oreille. « Je sais que vous ne m'avez pas tout dit. Et je sais que vous ne pouvez pas encore me le dire. Je ne comprends pas tout, Ophélie, mais je vous accorde mon entière confiance, comme Thorn vous a accordé la sienne. La rapporteuse émit une petite toux sèche et Ophélie sentit sa résistance se fêler. « Vous ne voulez vraiment pas venir avec moi sur Anima ?» demanda-t-elle à Bérénilde, enfouie contre elle. « Mon devoir exige ma présence ici. Vous avez eu une influence plutôt remarquable sur notre cher Seigneur, mais il est tellement oublieux. Nous devons rester auprès de lui, ma fille et moi, pour lui rappeler ce que vous lui avez appris. Et puis, ajouta Bérénilde d'une voix encore plus basse, je dois aussi rester pour Thorn. J'ignore où il se trouve à l'heure où nous parlons, mais ne vous inquiétez pas. Ce garçon est maladivement ponctuel. Quand l'heure sera venue, il nous reviendra. D'ici là, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ophélie essuya ses yeux sous ses lunettes en libérant un petit rire. Thorn aurait répondu. Je n'oublie jamais rien. Et puisque nous parlons de cela, je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite. Je dois un nom à ma filleule. Le chef de quai siffla une troisième et dernière fois. Ophélie allait devoir embarquer à bord du dirigeable. Ignorant l'atout de plus en plus impatiente de la rapporteuse et l'appel de sa mère sur la passerelle, elle se pencha sur le landau du bébé. Sa peau était aussi blanche que celle de Farouk. Ophélie fit une promesse silencieuse à sa filleule. Elle retrouverait Thorn. Et s'il fallait pour cela qu'elle défiât les doyennes, le dieu de l'humanité ou un briseur de monde, elle le ferait. Elle s'appellera Victoire.